pour de les encourager. Espace sans mesure, anti-tube, pêche, programme d'encadrement clinique et d'hébergement, La Rotonde, Société de la Rivière Saint-Charles. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. Bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs. Vous êtes à l'écoute de l'Aérospatiale, votre magazine sur les arts visuels à Québec, sur les ondes de CKRL 89.1. Myriam Leland au micro et Gentiane Lafrance qui m'accompagne. Bonsoir! Allô, Myriam! C'est notre dernière. Oui, c'est notre dernière et il fait chaud. Il fait très chaud. Oui, l'été est arrivé. C'est la Saint-Jean. On vous souhaite bonne Saint-Jean à tous à la maison. C'est vrai. Pas pour nous en ce moment parce qu'on préenregistre pour la dernière fois cette saison-ci. Mais pour vous, ce sera diffusé lors de la Saint-Jean. Moi, je vais vous parler de Galerie Galerie. C'est une galerie d'art web. C'est selon moi la référence en art web au Québec, là, donc qui existe depuis maintenant déjà 4 ans. Okay. Et il y a vraiment des belles choses là qui sont diffusées depuis 2016 par c'est un organisme à but non lucratif, c'est pas un centre d'artistes, mais ils vont encourager la production, donc il y a des résidences, il y a de la diffusion sur leur site internet. Et je vais vous parler de ce qui se passe en ce moment sur leur site. Deux initiatives principalement, donc une exposition consacrée aux jeux vidéo expérimentaux. Oh. Et évidemment des initiatives de diffusion aussi qui sont en lien avec le mouvement Black Lives Matter. Oh. Donc pour encourager la diffusion d'artistes racisés. Donc, on s'en reparle plus tard. Ouh, j'ai hâte de découvrir ça. Moi, j'ai redécouvert dans ma bibliothèque un petit feuillet sur l'art public à Québec, qui est en fait l'impression de ce qu'on peut trouver sur le site web de la Ville de Québec. Donc, je parle un peu de ce qu'il y a à découvrir dans les 11 secteurs de la ville. Puis, j'ai tenté une petite expérimentation de trouver de la diversité. Et en deuxième partie d'émission, je vais m'entretenir avec Evelyne Bouleva, donc une belle entrevue à l'atelier. Ah, oh, intéressant. C'est encore moi ce soir, pour la dernière fois, qui a fait la sélection musicale. Je te fais découvrir, Gentiane, ce soir, Yves Jarvis, qui est un Montréalais. En fait, son nom de naissance, c'est Jean-Sébastien Audet. C'est lui qui créait sous le nom Un Blonde avant. Okay. Mais maintenant, son nom d'artiste, c'est Yves Jarvis. Et je fais découvrir l'album qui est sorti en 2019, The Same But By Different Means. Donc, on se quitte tout de suite pour la première pause audio de la soirée avec la piste To Say That Is Easy. Oh, Alors, nous sommes de retour à l'aérospatiale. Myriam Leland et Jean-Tiane Lafrance avec vous. Et on est au Parc des Braves pour faire l'enregistrement de l'émission pour vous diffuser ça ce soir, mercredi le 24 juin. Et pour cette dernière émission, je me disais, dans cette période de confinement, une des façons de faire l'expérience des arts visuels, c'est via Internet. Mais c'est pas toujours évident, on en a parlé quelques fois à l'émission, ce rapport aux œuvres d'art sur Internet. Mais il y a l'art web qui est vraiment une forme d'art qui est... en fait, c'est une forme d'art, c'est plein de formes d'art, c'est très, très diversifié. Mais c'est une forme de diffusion, oui, en fait. Oui, une forme de diffusion, mais aussi une forme de création. On parle aussi d'art post-Internet. Mm-hmm. On parle de post-Internet, mais c'est de l'art qui est intégré dans l'Internet. C'est ça. C'est ça. Et puis, au Québec, il y a une institution qui diffuse de l'art web, qui produit de l'art web, qui s'appelle Galerie Galerie, et qui est vraiment, là, je pense que c'est un des seuls organismes là, qui est vraiment dédié à l'art web, mm-hmm. et qui existe depuis 2016. Et oui, pour les gens qui sauraient pas faire la différence, comment t'expliquerais toi la différence entre de l'art numérique et de l'art web? Oh, ça c'est une grosse question, ouais, ça, hein, parce que le numérique pas nécessairement sur le web. Non, c'est ça. L'art numérique va utiliser des outils numériques, mais il va pas nécessairement être diffusé sur le web, alors que l'art web, ça implique vraiment l'utilisation d'Internet. Ça implique l'utilisation d'Internet, j'ai l'impression. Puis là, je suis aucunement spécialisée dans ce sujet-là. Et puis moi, ce que j'observe, c'est qu'ils vont beaucoup utiliser les codes de l'Internet. Donc, ils vont utiliser du HTML, par exemple. Oui. Souvent des langages web qui peuvent nous paraître, nous, un peu désuets. Parce que si on tombe sur une page qui est entièrement faite en HTML, ça fait un peu années 90. Oui, c'est ça. Mais c'est aussi une façon de réinterpréter les différents langages de l'Internet, mm-hmm. aussi. Comme en peinture, on va réinterpréter les différents langages de la peinture, l'abstraction, et puis faire des recherches dans différentes voies. Ouais. Donc, c'est vraiment, on va avoir du GIF, on va avoir des mèmes, on va avoir... donc, c'est vraiment... des éléments qui sont typiquement issus du web, qui vont être travaillés de manière expérimentale. Mm-hmm. Une chose qui est intéressante aussi avec l'art web que j'ai remarqué, c'est qu'ils vont beaucoup jouer, un peu comme dans l'art de recherche en art visuel, sur l'ambiguïté. Mm-hmm. Donc, tu arrives sur une page et puis tu n'arrives pas à deviner sa fonction. Et puis tu navigues, tu te laisses emporter par évidemment l'interactivité qui est spécifique à l'art web, ben pas qui est spécifique, mais qui est un des éléments qui est spécifique également à l'art web. Donc cette interactivité là où c'est nous en tant qu'utilisateurs qui décidons où on va, qu'est-ce qu'on fait, sur quoi on clique. Il y a différents éléments comme ça là, qui vont un peu définir cette grosse catégorie qui est l'art web ou l'art mm-hmm. post-Internet. Et Galerie Galerie a vraiment pour mission de soutenir les artistes en art numérique et en art web, et donc de les soutenir dans la production. Ils ont des résidences, mais également de la diffusion et la démocratisation de l'art numérique, parce que parfois ça peut parler à un cercle de convertis, un peu comme l'art de recherche en art actuel, comme ce qu'on aime faire ici à l'aérospatiale, c'est justement de démocratiser ces formes d'art-là. Et l'exposition qui est présentée en ce moment sur Galerie Galerie, c'est Ce jeu est dangereux, romantique et intense. This game is romantic, dangerous and intense. Donc, c'est une exposition qui est présentée du 21 mai au 31 juillet et qui présente des jeux vidéo expérimentaux, si on veut, qui évidemment utilisent le langage des jeux vidéo, mais qui vont pas nécessairement avoir les mêmes objectifs, les mêmes fonctionnalités que des jeux vidéo plus traditionnels. Donc on peut jouer à ces jeux-là, oui, sur le site et on fait partie de l'œuvre dans le fond. Exactement. Donc c'est interactif, on joue à des jeux vidéo. Donc on va avoir des jeux. Là je vais faire ma petite liste d'artistes qui participent à cette exposition-là, de Liane Descaries-Chen, Théo Ménard. Et un jeu également de Thomas Gauthier, Caron et Sam Quinios. Un jeu de Philippe Gendron. Grenon, pardon. Un jeu de Raphaël X et Marc-Antoine Jeté Léger. Donc, différents jeux, différents fonctionnements. Je parlerai pas de tous les jeux, mais de quelques-uns là, qui m'ont un peu plus marqué. Il y a La Zone de Théo Ménard, qui est un jeu assez simple. C'est un cercle blanc avec un contour un peu flou qui bouge. Et on fait tout simplement bouger notre petit rond avec les touches du clavier. Donc, on est vraiment dans le code des flèches, mm-hmm, qui fait bouger les touches. Et on essaye d'attraper, de faire exploser des étoiles qui apparaissent dans ce cercle blanc-là, qui est entouré d'une masse noire. Et s'il advient qu'on touche à la frontière entre le cercle blanc et la masse noire, là, il y a une espèce d'avertissement où tout est rouge et tout clignote, et le cercle blanc se réduit. Donc, ça devient de plus en plus difficile. C'est comme jouer avec une peinture moderne. un peu. Et puis, c'est assez simple. Il y a pas des gros défis, mais il y a quelque chose d'anxiogène avec cette espèce de... Et lui, il l'appelle la zone pour évoquer la zone de confort. Donc, cette zone de confort qui réduit comme ça peu à peu, et ça devient un danger d'explorer les frontières. Donc, très, très simple, très, très beau. Un autre jeu de Philippe Grenon, Des fois, je suis fâchée, qui est un jeu de first person shooter. Oui. Merci. First person shooter. Donc, on est dans, c'est une seule pièce, c'est du point and click, c'est encore une fois assez simple, mais il y a une complexité qui vient s'ajouter. Donc, on finit par trouver le fusil qu'on prend et qu'on porte, et on finit par trouver un livre. Et là, il y a un répertoire de poèmes québécois du 17e, 18e, 19e siècle. On peut les choisir. Et ensuite, avec le fusil, on peut choisir des mots. On tire des mots et le fusil éjecte ces mots-là. Il les projette sur le mur et les étend sur le mur en les criant. Donc on est dans le code du point and shoot. On est dans le code du first person shooter. Mais on déconstruit complètement l'usage de ces l'usage de ces langages-là. On tire pas sur personne, puis on tire de la poésie littéralement. Donc on a plusieurs œuvres très très différentes. On a également je vais terminer avec le jeu 1 de Marc-Antoine Jeté Léger, où là c'est un défi qui est très progressif. On est un petit point blanc qui se promène sur une ligne et qui doit éviter à chaque tableau d'entrer en collision avec des points verts et des points gris. Et au début, ce n'est qu'une ligne, et peu à peu, à chaque tableau, des réseaux de plus en plus complexe avec la présence de plus en plus de ces boules-là. Puis c'est intéressant parce que, bon, il faut avancer, faut arrêter, laisser passer la boule. Et il y a un jeu de distanciation, si on veut, d'éviter les contacts avec les autres aussi, tu sais. On se croirait un peu là, dans les allées d'une grande surface à essayer de... quand on va faire l'épicerie avec les flèches par terre, les gens qui regardent pas où ils vont. Oui, d'éviter, sinon, ben on revient au début du petit tableau. Donc, à visiter sur galerie-galerie.web.com, donc une plateforme en ligne qui est vraiment dédiée à la production et à la diffusion d'art numérique et d'art web, qui est basée à Montréal, qui existe depuis 2016, et on a bien hâte de voir ce que cette galerie nous réserve également pour les prochaines années là. C'est un très bel organisme. On se laisse pour une pause audio. Toujours de Yves Jarvis, et au retour de la pause, je vous parle de l'art public à Québec. Just until it starts to feel like it's time to get on, it's time to get out. So let's talk about it. Nous sommes de retour à l'aérospatiale en différé du Parc des Braves avec Jean-Tienne Lafrance avec vous et Myriam Leland. Et vous venez d'entendre Goodbye Reason, Goodbye Rhyme et Myriam Leland pour lancer l'été, parce que l'été vient d'arriver. T'as eu l'idée de faire une chronique sur ce qu'on peut retrouver dans l'art public à Québec et de nous faire une sélection de ton cru. Exactement. Je me demandais qu'est-ce qu'on pouvait offrir à nos auditeurs là, pour les lancer pour l'été, qui vont se demander le mercredi soir entre 17h30 et 18h30 quoi faire, parce que misère, l'aérospatiale n'est plus en ondes pour l'été. Donc, je me suis dit, pourquoi pas parler des œuvres publiques de la Ville de Québec, parce qu'il y en a énormément. Il y en a qui sont issus de ce qu'on connaît comme étant la politique du 1%, bien sûr. Oui, donc ça, c'est pour au niveau provincial, mais au niveau municipal aussi. Exactement, il y a un programme pour la Ville de Québec. Puis, il y a également beaucoup de statues et de bustes et de monuments commémoratifs. Exactement, qui restent de l'art plus traditionnel, qu'on a moins l'habitude de couvrir à l'émission, mais qui peuvent permettre aux gens de s'éduquer tout en prenant une marche et en appréciant un beau bronze. Puis, en fait, j'ai essayé aussi de faire un petit exercice critique. Depuis quelques semaines, je tente de mettre en lumière des voix racisées, des voix autochtones, des personnes qui sont mises de côté à cause du racisme systémique qu'on vit dans la société. Ben, qu'on vit. Non, on ne le vit pas parce qu'on est privilégié, mais que ces personnes-là vivent dans la société. Puis, comme je disais en début d'émission, c'était vraiment pas facile. C'était un constat que j'ai fait en naviguant dans un petit calepin, un petit feuillet, en fait, que j'avais dans ma bibliothèque, mais qui est simplement l'impression de tout ce qu'on peut trouver dans le répertoire d'art public de la Ville de Québec sur le site web de la Ville de Québec. Donc, ceci, les œuvres qui ont, donc, au niveau municipal, les 1% font pas partie de ce répertoire-là? C'est tout, en fait. Okay. C'est vraiment toutes les œuvres qu'on peut trouver dans les 11 secteurs de la Ville de Québec. Par exemple, le fameux Cooksasville qui est au centre Vidéotron se trouve là-dedans. Oui. des certaines œuvres qui se trouvent sur le terrain du Musée national des beaux-arts du Québec aussi. Et ça, c'est disponible gratuitement. Je pense que dans les bureaux d'arrondissement, ils doivent en avoir. Je pense que oui. Pour être 100% honnête, moi, je l'ai eu quand je travaillais au Musée national. Donc, c'est pour ça que je me suis assurée que c'était disponible en ligne aussi. Vous n'avez pas besoin d'avoir le format papier. Vous pouvez tout à fait, si vous avez des données, avoir accès à ce guide-là en ligne sur votre téléphone ou le regarder avant de partir de la maison puis aller explorer comme ça. Sans prévoir un parcours. Exactement. C'est très bien fait, en fait. C'est vraiment par secteur, justement. Donc, on a Grande Allée Est, Saint-Roch, d'Auteuil-Saint-Louis, les 11 secteurs de la ville de Québec. Puis c'est ça, comme je disais, en regardant les œuvres, ben c'est sûr qu'on a beaucoup d'œuvres qui datent plus, donc qui sont beaucoup plus commémoratives. Donc du 19e siècle. C'est ça. Donc c'est beaucoup d'hommes blancs et les personnes qui sont représentées par ces statues également. Des hommes de pouvoir. Des hommes de pouvoir qui ont fait l'histoire. Puis je trouve ça cocasse un peu parce que dans sur le site web et dans le petit cahier, on a cette devise-là qui dit « des œuvres qui témoignent de nos origines et de nos aspirations pour l'avenir ». Donc, en effet, ça témoigne vraiment de nos origines parce que on voit l'impact du racisme systémique et de la colonisation. Mm-hmm. On va dire qu'on espère que les aspirations pour l'avenir, c'est le vent de changement qui souffle sur la communauté artistique. Donc, j'ai essayé de trouver des œuvres, des artistes qui représentaient un peu mieux toutes ces belles personnes-là qui viennent de différents endroits ou qui sont nées ici, mais qui vivent du racisme systémique à tous les jours. Et dans le milieu de l'art, ça peut être quand même difficile aussi. Il y a une place qu'on oublie souvent, on s'en parlait, c'est dans ton coin, le parc de l'Amérique latine. Oui, tout à fait, c'est derrière le palais de justice. C'est ça. Entre le palais de justice et la rivière Saint-Charles. C'est ça, puis on l'oublie un peu. On est un petit peu plus dans de l'art traditionnel, beaucoup plus de monuments, de bustes commémoratifs. Mais je trouvais ça assez intéressant parce que justement, il y a des bustes et des statues de gens qui ne sont pas des hommes blancs. Alors, je vous invite à aller voir ça. Ce sont des très belles statues. Puis, je pense que ce que ça me fait découvrir aussi, c'est que souvent, on prend ces statues-là pour acquis, ces monuments-là pour acquis, on les regarde plus trop. Ça fait partie de la ville. Mais non seulement c'est intéressant de s'éduquer sur l'histoire, mais c'est aussi intéressant de vraiment observer la facture de l'artiste, la différence entre les statues, dépendamment des époques, de l'artiste qui l'a fait, de la technique de bronze aussi. On voit vraiment quelque chose de différent. Chaque statue, c'est quand même intéressant d'observer ça puis de se rappeler que ben ça reste de l'art puis ça reste que c'est un artiste qui est derrière cette œuvre-là. Donc c'est pas dénué là d'esthétique ou de recherche. Mmh. Donc entre autres, il y a le buste de Juana Azurduy de Padilla qui est dans le parc de l'Amérique latine, comme je disais, c'est une révolutionnaire bolivienne. Il y a le monument de Toussaint Louverture qui est un héros national haïtien aussi. Le buste de José Martí qui a mené la lutte pour libérer Cuba de la domination espagnole. Donc, je trouve ça quand même intéressant parce que ces temps-ci, on voit beaucoup de monuments, justement, de personnes racistes, colonialistes, se faire malmener. Un peu pas vu ça à Québec, mais je trouvais ça intéressant de voir la contrepartie puis de voir ces monuments-là qui existent à Québec. On le penserait pas, on l'oublie souvent, mais allez faire un petit tour, c'est un joli parc en plus. Oui, accompagné d'une petite randonnée de vélo ou d'une marche sur le bord de la rivière, c'est très agréable. Exactement, puis un petit vent aussi qu'on apprécie quand il fait 41 degrés comme en ce moment. D'autres œuvres plus contemporaines cette fois-ci que j'aime bien là dans mes favorites, il y a sur le bord de la rivière Saint-Charles, Classe buissonnière de Ludovic Bonnet. Oui. Je l'aime beaucoup. C'est des petits pupitres. Oui, des petits pupitres qui regardent vers la rivière. Puis je trouve que c'est... Moi, en tout cas, quand je passe devant puis que je m'assois dans l'œuvre, littéralement, ça... ça me fait penser justement à, aux enseignements qu'on peut tirer de la nature. C'est un peu facile comme interprétation, mais ça nous invite à se poser puis à regarder justement la rivière Saint-Charles, les abords de la rivière Saint-Charles, puis à se rappeler qu'on est en pleine ville puis qu'on peut... On peut tout de même profiter de la nature au cœur de la ville. Puis, et cette œuvre-là, Classe buissonnière de Ludovic Bonnet, fait partie d'un corpus d'œuvres qui sont tous des bancs réalisés par des artistes de la ville de Québec. Oui, c'est ça. Donc, c'est quand même bien aussi de voir ces projets-là qui sont développés pour créer de nouvelles œuvres un peu partout dans la ville, puis stimuler la créativité là, pour justement qu'on sorte un peu de ce pattern-là de monuments, statues, etc. On a vraiment des belles pièces d'art public à Québec, au Québec, mais à Québec aussi, on est assez choyés pour l'art public. Puis finalement, j'ai les œuvres Habitat Faunique, je dis les œuvres parce que ce sont plusieurs oiseaux. Ils sont tous étalés, là. Exactement. Entre le pont Scott et le parc Quartier Brébeuf, je crois. Oui, c'est ça. Ben, le parc linéaire de la rivière Saint-Charles, en fait. Jusqu'au pont Scott, oui. Exactement, c'est ça. Donc, il y en a un peu partout. Je m'excuse d'avance si je massacre le nom de l'artiste. C'est Chan Trong. puis en fait c'est un artiste de descendance vietnamienne et c'est ça, ce sont des beaux oiseaux qui semblent être faits de branches, de boue. Ça fait penser un peu à des déversements de pétrole. Oui, quelque chose de glauque. Il y a quelque chose de glauque, mais de volatile en même temps. Bien sûr, ce sont des oiseaux. Il y en a qui semblent être prêts à s'envoler. Vous avez juste à chercher sur Internet répertoire d'art public de la ville de Québec et vous allez pouvoir trouver tout ça. Alors, plein d'activités pour l'été, des objectifs de sortie, aller faire une balade de vélo pour aller voir telle œuvre à Beauport ou à Charlebourg ou à Sainte-Foy. Ben merci beaucoup Myriam Leland pour cette belle activité estivale à faire à Québec, du tourisme dans notre propre ville. Oui. Et on va partir pour une pause publicitaire et au retour, je m'entretiens avec Évelyne Boulevard dans son atelier. CKRL 89.1. C'est quoi le plan aujourd'hui? La vie normale reprend son cours. Quittez votre sofa immédiatement. À un moment donné, ça n'a plus de bon sens. Avec eux, on retrouve nos habitudes. On risque de tomber en amour. Lundi, ça vaut le coup. Mardi, moi je mange. Mercredi, format familial. Et jeudi, l'indice McSween. C'est presque aussi bon qu'une chanson. Le monde entier respire un peu mieux. Oui! Dossier réglé. Découvrez nos magazines du lundi au jeudi 19h30. On regarde ça. Et tout le temps sur téléquébec.tv. Olinéo lance en 2020 un tout nouvel EP. Triple I, disponible en ligne dès maintenant. Vous êtes artiste et vous vous sentez isolé, privé de spectacles et de public pendant le confinement? CKRL veut vous entendre. Que ça soit pour une interprétation d'une minute à une session plus longue, CKRL veut diffuser votre prestation confinée. Quel que soit votre art, pourvu qu'il puisse s'entendre à la radio, ne tardez plus et inscrivez-vous sur ckrl.qc.ca. Le coronavirus est toujours présent. Des gens continuent d'être infectés, d'autres sont toujours au front pour nous soigner. Parce que nos proches, nos collègues et nos aînés continuent d'être à risque, nos efforts pour freiner la pandémie doivent continuer. On doit continuer de se laver les mains, de garder nos distances et de limiter nos déplacements. De plus, le port du masque est fortement recommandé dans les lieux publics. On continue de se protéger. Un message du gouvernement du Québec. Contribuez sur laruche.com au financement de Global Planification Santé. Global Planification Santé se spécialise en confection de boîtes à lunch, produits du terroir, consultations santé et de produits naturels. Retrouvez une gamme de produits à notre nouvelle boutique tels que des huiles essentielles, des vitamines et minéraux, produits alimentaires et produits ménagers biologiques. Pour son ouverture le 1er juillet, Global Planification Santé va offrir des repas prêts à manger. Plats chauds, sandwich, salade repas, smoothie et jus fraîchement pressé. planificationsanté.com.

Ce qui est observé, c'est qu'il y en a davantage. Puis, on peut imaginer que le jour où il n'y aura plus de banquise, il n'y aura plus d'iceberg, tout simplement. Les deux sont extrêmement liés. Donc, ils deviennent un phénomène un peu emblématique de ces changements climatiques-là. Enfin, dans pour moi. Je dirais pas pour tout le monde, mais dans ma pratique. Et ce phénomène de dislocation-là, Evelyne Boulva, que tu as observé, dans ta documentation des icebergs, tu le fais résonner de différentes manières dans ta pratique en ce moment? Oui, de deux façons différentes. Il y a d'abord une série de trois icebergs d'assez grand format qui sont dessinés au graphite sur papier, mais qui sont dessinés de façon, je dirais, numérique. Avec une traduction très informatique du dessin, très construite, très manipulée, et des bugs aussi qui interviennent. Des espèces de glitch. De glitch, si on veut, qui sont vraiment causés par le procédé, par des problèmes de traduction, en fait. Et ces glitches-là sont acceptés, en fait, dans le travail un peu en écho aux glitches qu'on provoque dans la nature, pour reprendre le même terme. Ouais. Donc, ça, c'est un des volets du travail qui m'occupe. Et le second volet, toujours sur l'idée du iceberg. Et dans ce premier volet-là, simplement pour préciser, c'est le même iceberg qui revient à trois reprises, mais dans des phases de dislocation différentes. Donc, au premier temps où on l'a vu, dans le moment où il est en train de se transformer, et a posteriori, quand il s'est restabilisé. Donc, il y a aussi cette idée de temporalité qui m'interpelle davantage, je dirais, depuis quelques années, à travers l'idée du changement. De l'action changement. Et le second volet, en fait, c'est une série, c'est l'inventaire des icebergs que j'ai croisés à Terre-Neuve. Donc, j'ai essayé de faire l'inventaire exhaustif. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais c'est l'objectif visé. Et cet inventaire-là est dessiné avec une mine qui est photosensible, en fait, une mine bleue, qui disparaît à la lumière visible, qui s'efface, qui redevient blanche. Comme un cyanotype à l'envers. Oui. Si on veut, c'est exactement ça. Donc, le cyanotype est un procédé qui fait apparaître. Qui fait apparaître, qui a une couleur bleutée. Puis, ce bleu-là que tu utilises pour faire les icebergs, il rappelle un peu le bleu des cyanotypes. C'est un bleu qui est effectivement très proche du cyanotype. J'y avais pas pensé, mais c'est une belle évocation. Ces dessins-là sont faits, bon, sont pas très gros. C'est peut-être à peu près une trentaine de centimètres par dessin. Mais quand même avec beaucoup de minutie, quelque chose de très réaliste pour aller chercher vraiment l'idée de chacun, l'identité, si tu veux, d'image de chacun. Des portraits. Des portraits de iceberg. Bon, évidemment, actuellement, ils sont gardés dans une filière bien au noir, mais quand je vais les sortir à la lumière visible du soleil, en à peu près une semaine, ils pourraient disparaître au complet. Donc là, c'est un projet d'exposition? Oui. Qui va avoir lieu et au bout d'une semaine, on ne pourra plus percevoir ces icebergs-là sur les surfaces de papier. Oui, bien le temps va peut-être être variable parce qu'évidemment, si on est dans un espace avec une lumière contrôlée puis une lumière artificielle, c'est un peu plus lent là, le processus de dégradation de l'image. Donc là, il va peut-être y avoir une nuance entre le plein soleil que moi j'ai testé ou là, en une semaine, vraiment, on revient au blanc du papier initial. Là, j'évaluerai en fait comment ça procède, mais la finalité va être la même. Donc, il y a quelque chose, évidemment, qui évoque cette disparition prochaine, cette disparition possible des icebergs. Ça va créer une espèce de deuil. Oui. Oui, pour l'artiste, pour le public, pour toutes les personnes qui vont faire l'expérience de ces œuvres-là. Bien, pour le public, je ne sais pas comment ça va se passer parce qu'évidemment, ça va être ponctuel, la façon dont ils vont voir les images à différents moments aussi de dégradation. Mm-hmm. Donc, oui, il y a la perspective que la chose disparaisse, évidemment, qui va être présente. Pour moi, c'est quand même déjà accepté depuis le début du projet que je travaille sur quelque chose qui est éphémère. qui s'inscrira pas à long terme dans la réalité. Il y a probablement des témoins qui vont rester, par exemple, j'ai sûrement filmé sur au moins des icebergs le processus de dégradation de l'image pour en garder une trace, pour expliquer aussi a posteriori ce qui s'est passé avec le projet. Oui. Il y a quand même des marques qui vont demeurer sur le papier. Par exemple, je trace systématiquement le contour du iceberg avec un trait beaucoup plus foncé au graphite, qui lui, bon, on le sait, très pérenne. Mm-hmm. Et dans le bas, il y aura toujours l'identification du lieu, du moment, de l'heure où l'observation a été faite initialement à Terre-Neuve. Donc, la forme du iceberg, un peu comme un fantôme de ce qui a été, va demeurer sur le papier, ainsi que le témoignage du moment où a eu lieu cette observation-là, qui est plus présente comme telle. L'image, la définition de l'image ne sera plus là, mais au moins un certain témoin là, de la chose. Donc là, on se projette dans le futur, dans cette exposition qui est à venir. Et si on revient en amont dans ce voyage qui t'a mené à la réalisation de ces œuvres-là, toi, Evelyne Boulevard, tu procèdes vraiment avec de la documentation, beaucoup sur le terrain, pour ensuite transposer ces éléments-là de manière visuelle, soit numérique et ou de manière à la main. Je cherche mon mot, je le trouve pas. Alors, lorsque tu as fait ce voyage d'exploration, comment ça s'est passé? Comment se passe une chasse au iceberg à Terre-Neuve? Mais déjà, il y a une zone qui est beaucoup plus propice à l'observation des icebergs, qui est le nord-ouest de l'île. Donc, c'est un petit peu le territoire, l'objectif premier où on se rendait. C'est au hasard, c'est pas répertorié. Mmh. Iceberg. Donc, on s'est promené énormément. J'étais avec mon conjoint à ce moment-là. On navigue comme ça? Oui, on a navigué sur l'île. Puis des fois, les gens nous disaient « Ah oui, on en a vu un telle place. » Fait qu'on y allait, on suivait les indications d'après ce que les gens nous racontaient. Aussi de leur expérience. Dans telle baie, il y en a souvent. Donc, vous avez des chances d'en voir. Puis, au niveau de la captation, c'était photographique et vidéographique. Donc, c'est vraiment essentiellement la façon dont on a procédé pour travailler sur le terrain. Ensuite, on passe de ces éléments de documentation. Tu parlais de ce grand iceberg au graphite qui provient d'un dessin numérique. que tu reproduis ensuite à la main. Donc, ce processus-là, tu me disais il y a quelques minutes qu'il y avait des accidents numériques. Comment ils se produisent, ces accidents numériques-là? Est-ce que tu vas les chercher? Est-ce qu'ils se produisent par eux-mêmes? Est-ce que tu utilises du matériel qui est vieillissant pour pouvoir aller les chercher? En fait, la façon dont ils se produisent essentiellement, c'est que la machine, en fait, qui trace à partir des documents numériques, elle n'est pas nécessairement conçue pour ça au départ. Elle est conçue pour pouvoir dessiner, surtout découper, mais il y a un volet par lequel elle peut dessiner, mais de façon beaucoup plus schématisée, je te dirais. Et moi, je l'amène à faire des dessins extrêmement précis, extrêmement fins. Puis ça, des fois, ça la mêle un peu. Mm-hmm. Donc, c'est dans ces moments-là où il y a des accidents qui peuvent arriver. Par exemple, elle va carrément faire une ligne oblique, ou elle va oublier certains éléments de tracé, ou elle va carrément s'arrêter pour prendre un travail, fait qu'il y a un manque qui s'insère dans le travail. Donc, ça peut prendre plusieurs formes, mais c'est pas des accidents volontaires. C'est des accidents qui interviennent dans le travail puis qui font partie, qui sont acceptés, je dirais. Mm-hmm. Des fois, je me garde quand même un certain jeu. Par exemple, j'ai une série, un dessin où carrément la mine n'a pas appuyé, il n'y avait presque rien sur le papier, ça en devenait inintéressant. Donc, celui-là, je l'ai repris. Donc, je me garde quand même un certain contrôle pour qu'à la fin, on sente aussi l'intention oui. derrière le projet. Sinon, je joue quand même avec les aléas de la technique et de la technologie, là. Pour le projet. Et cette exploration autour des icebergs, de cette idée de dislocation, est-ce que ça t'amène à réfléchir, à faire un relais, à réfléchir à d'autres projets qui s'en viennent? Je t'avoue que non, pas pour l'instant. Peut-être au niveau technique, bon, cette idée-là de disparition du dessin. Oui. Disparition involontaire, mais nécessaire. D'où est-ce que ça t'est venu, cette idée de faire disparaître le dessin? L'idée est venue d'un accident d'atelier, comme ça arrive souvent, mais pas d'un accident, mais j'aimais la couleur de ce crayon-là, simplement. Puis j'ai fait un petit dessin rapide dans mon atelier, comme ça, juste pour l'essayer, le tester. Puis je l'ai accroché au mur. Je savais pas que la mine était photosensible, en fait. Et peut-être une semaine après, je regarde le dessin, je dis « Voyons, il est rendu pâle. » Puis dans ma tête, je travaillais sur autre chose. Je me suis dit « Bon, c'est vrai, souvent je dessine, puis j'appuie pas beaucoup, puis je peux être assez délicate dans mes dessins. » Donc, j'ai pensé que c'était moi qui avait comme simplement pas insisté suffisamment sur les contrastes. Et quelques jours plus tard, j'ai regardé à nouveau le dessin dans les tours, puis j'avais plus rien sur la feuille. Donc là, j'ai dit « OK, non, c'est pas moi qui était qui était si subtil que ça dans mes marques. C'est vraiment qu'il y a un problème sur le travail. » Et je te dirais que sur le coup, ça m'a plutôt fâchée parce que j'aimais vraiment cette mine-là. C'est un petit détail, mais comme dessinatrice, il y a des crayons avec lesquels on s'entend bien. Et je me disais, bon, qu'est-ce que je vais faire? Mes dessins disparaissent. Puis, j'en ai discuté avec Luc. J'ai dit, ah, zut! Luc, qui est mon conjoint, dont oui. je parlais tout à l'heure. Et en discutant, l'idée est venue, en fait. Mais pourquoi tu n'utilises pas de façon volontaire cette disparition-là? Puis là, j'ai réfléchi à mes projets. OK, comment je pourrais le mobiliser? Et c'est de cette façon-là, en fait, qui est arrivé c'est fascinant. Le début de ce travail-là. Donc, c'est vraiment parti d'un problème oui. pour devenir ce qui, pour l'instant, pour moi, est une qualité de travail. Puis avec l'idée, peut-être, éventuellement, d'en faire carrément des grands formats comme ça, mais qui seraient voués à disparaître en salle. Je trouve qu'il y a quelque chose de beau là-dedans par rapport à la fragilité de la nature, par rapport au fait qu'il n'y a aucun élément qui est vraiment qu'on peut prendre pour acquis, puis oui. au fait que non pas d'accepter que ça va disparaître au niveau de la nature, je pense qu'on ne peut pas faire ce lien-là, ce serait malsain, mais plus de prendre conscience de cette fragilité-là au niveau de notre rapport à l'environnement. Puis pour moi, ça devient une façon intéressante de le traduire dans la pratique. Oui, puis j'en reviens encore à cette idée de vivre un deuil par procuration comme une catharsis. Mm-hmm. Les œuvres d'art vont souvent faire cette faire œuvre de catharsis parfois là, pour venir nous faire vivre des choses qui vont arriver dans le futur, qui sont passionnantes pour en tout cas. Mais tu sais, oui, il y a vraiment un lien très très fort qui se crée avec la disparition possible de l'humanité, là, on s'entend. C'est parce que c'est pas seulement que les icebergs qui risquent de disparaître, ce serait l'humanité. Oui, par le biais de toutes les niches écologiques, par le biais de l'environnement qui se déstabilise trop. Évidemment, éventuellement, il y a des zones où l'humain ne pourra plus habiter, puis on peut se projeter vraiment à long terme, puis dire, OK, est-ce que la planète sera encore viable à tel moment? Donc, c'est vrai que ça peut amener à ces réflexions-là, le fait qu'une œuvre disparaisse, puis qu'on puisse rien faire. Mm-hmm. Un très, très beau projet. Et puis, un autre projet qui t'a habité dans les dernières semaines, dans les derniers mois, c'est de redécouvrir tes carnets de dessin du Belize. Oui. Oui. T'es très active, t'as remis ton site web sur des nouveaux rails, et puis t'as ressorti des croquis que tu avais fait au Belize. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qui s'y passe dans ces croquis-là? Au Belize, en fait, je me suis vraiment donné un temps très libre. Il n'y avait aucun objectif de création il n'y avait aucun, en tout cas, projet d'exposition qui était relié au fait d'être au Belize à ce moment-là. Ce n'était pas une résidence de recherche comme j'en ai déjà fait, pardon. Donc, quand j'ai sorti les carnets, c'était vraiment dans l'idée de simplement laisser aller le dessin, puis d'observer aussi l'environnement. Ça prend un peu de temps avant que je les sorte, le temps de m'habituer aussi au lieu qui était extrêmement différent de tout ce que j'avais vécu auparavant. Autant la végétation, la façon dont les habitations sont réfléchies, la température, donc tout pour moi venait chambouler, mais alimenter des nouvelles perspectives dans mon rapport à l'espace. Et le carnet, en fait, est devenu tranquillement une façon de réfléchir ces lieux-là autrement. Puis l'idée de l'île aussi, pas le Belize, mais la Caraïbe est constituée de beaucoup d'îles. Puis face à la côte bélizienne, il y en a plusieurs aussi qui sont très fragiles, en fait, parce qu'on parle de... En fait, c'est simplement des buttes de sable qui émergent de l'eau. Et la plupart sont vouées à disparaître. Donc ça a été un élément quand même qui m'a beaucoup nourri dans ces carnets-là, l'idée de l'océan qui monte, l'océan qui va faire disparaître des choses, des arbres, des habitations, des expériences passées, une connaissance du territoire qui change aussi. Donc, sont un petit peu remplis de ces réflexions-là. Donc, on passe de cette réflexion-là sur la disparition progressive des îles. C'est ça qui t'a mené à vouloir aller explorer des icebergs ou il n'y a pas de lien direct? Mais mis à part peut-être cette idée de disparition-là. Oui. Le mot disparition, ouais, qui est devenu peut-être davantage dislocation tranquillement, mm-hmm, du côté des icebergs, du côté des territoires nordiques. C'est pas complètement lié. C'est lié par la question écologique, c'est lié aussi... C'est lié par l'idée de vivre des lieux qui sont différents aussi, mm-hmm, des expériences qui sont différentes, puis de les vivre pendant un certain temps aussi. Comme au Belize, j'ai passé 6 mois, à Terre-Neuve, un bon mois, j'étais déjà allée auparavant un autre mois. Donc, c'est aussi l'idée tranquillement d'apprendre un territoire, de prendre le temps de s'y promener, de rencontrer les gens. Même si les gens sont absents en général de mon travail, reste qu'il y a souvent des discussions, des échanges qui ont eu lieu sur ce territoire-là avec les gens de l'endroit. Et tout ça, tranquillement, alimente mes réflexions. Donc, cette idée-là du temps est quand même importante dans le fait d'aller ailleurs pour moi. Et le territoire humain. Oui. Oui. Oui. Donc, il y a une enquête humaine, pas ethnographique ni anthropologique, mais une enquête humaine qui se passe aussi autour de ces séjours-là. Qui n'est pas prévu, qui n'est pas, je veux dire, planifié, mais qui se fait presque nécessairement parce que, bon, dans le voyage, qu'est-ce qui se passe? On rencontre les gens, mm-hmm. puis on s'intéresse aux gens, à la façon dont ils sont installés, comment ils vivent. Et à travers ces échanges-là, il y a nécessairement des éléments d'inspiration, de réflexion qui s'installent. Donc, c'est peut-être plus de cette façon-là. Mais je ne parlais pas d'enquête parce que ce n'est pas dirigé au départ. Ouais. C'est pas une volonté. Plus c'est une pas, découverte. C'est une découverte, oui. Ouais. Ah, ouais. Ce serait davantage de cet ordre-là. Mais merci beaucoup, Evelyne Boulevard, pour ce bel entretien à l'atelier avec le confinement comme prétexte pour venir te parler. Mais merci beaucoup. Je te souhaite un bel été. À toi aussi. Donc, vous êtes de retour à l'Aérospatiale, votre magazine sur les arts visuels à Québec. Myriam Leland au micro. On remercie Jean-Tienne La France pour cette belle entrevue avec Evelyne Boulevard. Oui, que j'ai très hâte de faire. Oui, c'est ça. On prépare l'émission d'avance, mais je sais que ça va être une belle entrevue parce que c'est j'en toi et Evelyne Boulevard. Ça peut pas être autrement. Et on vient d'entendre la pièce Curtain of Rain, toujours une... de Yves Jarvis. C'est Marie-Claude Drolet qui est au Centre Regard. Vous allez pouvoir la rencontrer le 26 juin prochain, de midi à 17h, pour discuter de son œuvre qui est en vitrine, dans la vitrine des membres. Le Musée national des beaux-arts du Québec qui réouvre, on n'est plus certaine, c'est le 28 ou le 29, donc on vous invite à aller la voir. La semaine prochaine. La semaine prochaine, ça, on le sait. On vous invite à aller voir sur leur site web aussi. Puis on sait que l'exposition Frida Kahlo, Diego Rivera, est prolongée parce qu'on l'a pas mal manqué avec le confinement. Tout à fait. Donc, pour l'été, c'est prolongé. Et Gentiane, qu'est-ce qu'on a à surveiller pour le reste de l'été? Bien, pour sortir de la ville, là, je suis au courant qu'il y a la Biennale du Lin qui va avoir lieu dans Portneuf au courant de l'été. La Biennale du Lin qui se concentre sur la thématique du fer. Donc, il aime beaucoup avoir des thématiques qui se brodent autour de matériaux. Donc là, c'est le fer, pas dans le sens de fabriquer, mais le fer dans le sens de métal. OK. Et il y a également les rencontres de la photographie de Kamouraska qui vont avoir lieu sous le commissariat d'Ève Cadieux. Ève Cadieux qu'on a reçu à l'émission, qui est une artiste et commissaire de la Ville de Québec. Donc, un petit une heure et demie, deux heures de route de Québec. Donc, c'est quand même assez simple de se rendre à Kamouraska pour cette belle activité. Et donc, c'est ainsi que se termine cette saison de l'aérospatiale. Vous pouvez rattraper l'émission ou les émissions que vous désirez en balado-diffusion sur notre page web, l'aérospatiale.ckrl.wordpress.com. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook, sur notre page Instagram pour être tenu au courant de différentes actualités du milieu des arts visuels de la Ville de Québec. On aimerait remercier pour cette émission Evelyne Boulevard pour la rencontre privilégiée dans son atelier. Merci beaucoup Myriam de m'avoir accompagnée pour une très très grande partie de cette saison 2019-2020 de l'aérospatiale. Ben merci à toi Gentiane, j'ai eu beaucoup de plaisir à co-animer, à animer pour certaines émissions en début de saison, mais surtout à co-animer avec toi. C'est toujours un gros plaisir. Et on vous souhaite un bel été à vous, nos précieux auditeurs, nos précieuses auditrices. Un grand merci à toutes les équipe de l'aérospatiale, nos fidèles Jacques Gignac et Simon Roy, ainsi que nos chroniqueuses de cette année, Marie-Claude Drolet, Myriam Dufour, Delphine Eggesbar, Cassandra Graham, Anne-Sophie Homer et notre chroniqueur Jean-Michel René. Cette émission est disponible en balado-diffusion. Québec. Bonjour à tous, ici Pierre Blais, l'animateur de l'émission de cinéma Situation Critique. Nous ne serons pas de retour à l'automne, alors toute l'équipe désirait vous offrir un petit mot de remerciement. Merci de nous avoir écoutés toutes ces dernières années. Nous avons pu partager ensemble notre passion du 7e art. À bientôt et passez un bel été sur les ondes de CKRL. Salut, c'est Ariane Moffat. Tout comme vous, je suis confinée chez moi avec mes enfants. J'en profite pour découvrir la musique d'ici. Il y a plein d'albums qui sont sortis depuis le début de la crise, comme celui de Juste Robert, Ta Constellation. Je veux te rejoindre en appareil volant, imitant l'oiseau naturel. Abandonner là les hommes indolents et le désordre. Adoucissez votre quotidien avec notre musique, parce qu'on est ensemble, chez nous. CKRL, c'est la culture artistique, musicale, mais aussi entrepreneuriale, politique, environnementale et sociale. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Festival de cinéma de la Ville de Québec. La Baratte. Parenthèse 9. L'Anglicane. Centre communautaire L'Amitié. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. C'est maman de l'année.